Explication de la supériorité des Romains dans l'art militaire. Ils joignirent à la valeur l'esprit et l'invention. Outre qu'ils étaient par eux-mêmes appliqués et ingénieux, ils savaient profiter admirablement de tout ce qu'ils voyaient dans les autres peuples, de commodes pour les campements, pour les ordres de bataille, pour le genre même des armes, en un mot, pour faciliter tant l'attaque que la défense. Vous avez vu dans Salluste et dans les autres auteurs ce que les Romains ont appris de leurs voisins et de leurs ennemis même. Qui ne sait qu'ils ont appris des Carthaginois l'invention des galères par lesquelles ils les ont battus, et enfin qu'ils ont tiré de toutes les nations qu'ils ont connues de quoi les surmonter toutes. En effet, il est certain, de leur aveu propre, que les Gaulois les surpassaient en force de corps et ne leur cédaient pas en courage. Polybe nous fait voir qu'en une rencontre décisive, les Gaulois, d'ailleurs plus forts en nombre, montrèrent plus de hardiesse que les Romains, quelque déterminés qu'ils fussent. Et nous voyons toutefois, en cette même rencontre, ces Romains, inférieurs en tout le reste, l'emporter sur les Gaulois, parce qu'ils savaient choisir de meilleures armes, se ranger dans un meilleur ordre et mieux profiter du moment favorable dans la mêlée. C'est ce que vous pourrez voir quelques jours plus exactement dans Polybe. Et vous avez souvent remarqué vous-même, dans les commentaires de César, que les Romains, commandés par ce grand homme, ont subjugué les Gaulois plus encore par les adresses de l'art militaire que par leur valeur.